drum sample. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau mag sur Radioactive. L'actualité du moment, vous la connaissez puisque c'est la 38e édition du Festival de Jazz en Touraine, dont la dernière note retentira ce dimanche 22 septembre. Alors de nombreux artistes de talent se sont succédés sur la scène de l'espace Ligeria et du Magic Mirror. Et parmi ces pointures, Karine Gyok-Turam, venue rendre hommage à Nina Simone ce mercredi 18 septembre. Alors nous avons eu la chance de pouvoir la rencontrer. Bonjour Karine, et tout d'abord merci d'accorder ces quelques minutes à Radioactive. Merci, merci à vous surtout de m'inviter, merci, je suis ravie d'être là. C'est un grand honneur. Alors vous êtes évidemment connue comme journaliste, présentatrice, chroniqueuse, rédactrice, femme de télévision et de radio. Vous avez été longtemps aux commandes du 12-45 sur M6 et vous présentez dorénavant le 66 minutes. Tout à fait, sur M6 toujours. Sur M6 toujours. Et puis bah, aujourd'hui, on vous découvre avec une autre casquette, celle de chanteuse, et j'ajouterai d'incroyables chanteuses. Moi, j'avoue que j'ai découvert en préparant cette émission, hein, je le confesse. Vraiment une voix extraordinaire. Ah, merci, vous me touchez beaucoup. Ah, bah, écoutez, je crois que c'est les meilleures ventes de jazz en France en ce moment. Ça se passe bien. Voilà, ouais, donc ça bon. Ça se passe bien. Ça a toujours été une passion, la musique, pour vous, Karine ? Ah oui, j'ai pas le souvenir du déclic, parce que souvent on me demande quel a été le déclic. J'ai pas de déclic. Ça a toujours été là. J'ai grandi dans le jazz. On écoutait énormément de jazz à la maison, principalement du jazz instrumental. Et c'est une anecdote que je raconte souvent. C'est plus qu'une anecdote parce que c'était vraiment notre mode de vie. J'ai grandi notamment en Guyane. Et il se trouve que le dimanche, c'était vraiment la grande journée du nettoyage. Dès 6h du matin, il fallait absolument que la maison soit nickel. Et lorsqu'enfin la maison était nickel et qu'on allait passer à table, donc c'était plutôt un horaire de milieu d'après-midi presque, hein, vers 14-15h, voilà, qu'on passait à table, à ce moment-là, mon père mettait du jazz. Et le jazz, pour moi, a toujours été associé à ça, à une espèce de moment de libération, à une félicité. C'est à la fois un moment où on va manger, où ça va être bon et où ça sent bon, où il y a cette petite brise magnifique qui vient vous accompagner au moment du déjeuner. C'est merveilleux pour moi, le jazz, c'est tout ça. C'est un voyage et dans l'enfance pour moi et dans les profondeurs de la vie. Alors du jazz instrumental plutôt, du coup ? Oui, plutôt jazz instrumental parce qu'il se trouve que mon père est passionné de guitare et dans la famille d'ailleurs, parce que le frère de ma mère aussi est un guitariste de jazz, alors amateur, mais guitariste de jazz connu en Guadeloupe, il s'appelle Jean Houka. Et mon père lui aussi était marin, donc évidemment avec la marinière, le truc à pompons là, et la guitare, c'était forcément c'était le kit d'intégration à mon avis quand on était marin à l'époque. Et on écoutait beaucoup de jazz guitare, donc beaucoup Wes Montgomery, évidemment le Yellow Jacket, enfin le jazz rock Yellow Jacket, Spyro Gyra, Stanley Jordan, on a écouté, et George Benson bien entendu, que j'ai toujours considéré un peu comme mon tonton George, très modestement, mais on a tellement écouté du George Benson à la maison que c'était devenu un personnage de la famille, quoi, un membre de la famille. C'est peut-être ce qui vous a amené vers le chant finalement, voilà, que de l'instru. Oui, c'est vrai que le chant est arrivé, je pense en effet, vraiment par George Benson. J'ai probablement commencé à chanter grâce à lui. Et puis beaucoup, on écoutait aussi beaucoup de musique antillaise, donc Jocelyne Berroir, de Cassave, Tania Saint-Val bien sûr, Edith Lefel, enfin on a toujours eu des voix géniales, hein, aux Antilles, Gilles Floreau, ou plus des gens plus récents. Alors évidemment quand je vais citer Jean-Michel Rotin, ça va faire marrer ceux qui savent de quelle époque je parle, mais Jean-Michel Rotin, enfin voilà, en tout cas c'était moi, mon enfance et mon adolescence, et ce sont vraiment des gens qui avaient une identité, une force très profonde, qui avaient des choses à transmettre et qui défendaient un répertoire, qui défendait une culture et qui défendait en l'occurrence cette culture antillaise qui a donné naissance au zouk. C'est une des musiques à laquelle les Antilles ont donné naissance, mais qui est aujourd'hui une musique internationale. Donc on appelle ça la pop urbaine, mais en fait c'est du zouk, ce que font les Aya Nakamura, Taiki, etc. Et ce que reprennent y compris les stars américaines quand elles font des sons un peu caribéens. En fait c'est du zouk. Il va falloir que les gens réapprennent à appeler ça le zouk. Rendons à César ce qui est à César. Ce qui lui appartient exactement. Il y a eu une formation musicale ou elle est autodidacte? Non, vraiment autodidacte. Wow. Pour le coup, j'ai pris très tardivement des cours de chant. J'avais commencé à en prendre il y a peut-être une quinzaine d'années, puis ça n'a pas duré très longtemps, je bossais beaucoup, donc j'avais du mal à vraiment caler ça dans mon planning. Et puis il se trouve que les vrais premiers cours de chant que j'ai pris, j'avais déjà enregistré l'album. Ah oui. Avec, je crois, la prof de chant la plus âgée de France. Je crois qu'à peu près tout le monde dans la musique la connaît, elle s'appelle Raymonde Viret. Mmh. Elle a 100 ans. Wow. Mais là, vraiment, on s'entend. Et elle donne toujours des cours de chant. Et je suis arrivée. Extraordinaire. Elle me dit, mais je comprends pas, mon petit. Donc, t'enregistres un album et tu viens prendre maintenant des cours de chant. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, j'ai pris quelques cours avec elle. C'est très chouette. Je vais en prendre de temps en temps. Mais maintenant, je sais exactement de quoi j'ai besoin. Oui. Quand on est autodidacte, on trouve... Alors évidemment, on s'inspire beaucoup de ceux qu'on aime. Et puis à un moment, on comprend aussi qu'il faut trouver sa propre voix. Parce qu'on ne peut pas être une imitation. Ça n'a aucun sens. Quitte à faire les choses, autant être vraiment soi-même. Et maintenant, je sais techniquement de quoi j'ai besoin. Donc quand je vais voir le prochain prof de chant que je dois voir dans quelques semaines, je sais exactement sur quoi on doit travailler, quels sont mes besoins. C'est peut-être aussi le passage du studio à la scène. Oui, il y a ça, effectivement, notamment pour préserver la voix, mais c'est, je trouve finalement, moi j'adore le studio, je compose moi-même beaucoup, donc j'aime beaucoup ce moment d'intimité et d'introspection qu'est le studio, mais la scène c'est quand même, c'est à ce moment-là qu'on délivre, c'est comme une livraison quoi, c'est, on fait tout ça pour quand même pour le public. Ouais. Donc c'est le moment le plus extraordinaire, c'est cette rencontre-là avec le public, c'est merveilleux. Et ça fait quoi finalement d'être de l'autre côté du micro ? Alors au début c'était très difficile pour moi parce que je souffrais d'une profonde timidité. Déjà que je suis timide, mais quand en plus on fait de la télévision et qu'on n'a pas l'habitude de voir les gens vous voir, parce que vous ne voyez pas les gens vous regarder, vous regardez une caméra, vous savez qu'il y a 1,5 million, 2 millions de téléspectateurs qui vous regardent, mais c'est vous les voyez pas. C'est à peu près les auditeurs qu'on a sur Radioactive, on sent la même chose. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais quand vous êtes face à un public et que vous voyez les gens vous regarder, c'est quand même tout autre chose. Et ça a été tout un chemin pour moi, justement, de dépasser ma timidité, et de comprendre pourquoi je montais sur scène et quel était mon rôle et ma mission en tant qu'artiste. Et ma mission en tant qu'artiste, et c'est la mission de tous les artistes, c'est vraiment d'être à la disposition du public. On ne sort pas de ça. Mmh. On sort pas de ça. On vient pour ça, en fait. C'est-à-dire que quand une programmation est annoncée, justement, d'un festival, les gens se disent « Ah, bah tiens, il y a machin ou machine qui passe. Oh, j'aimerais bien y aller. » Puis ils réfléchissent, ils demandent à des amis s'ils sont disponibles ce soir-là. Ils bloquent la date et puis ils y pensent. Et puis, 3 jours avant, ils disent « Ah, bah oui, tiens, mercredi, on a ça, allez voir. Faut pas oublier. » Puis le jour même, ils partent plutôt du travail. Mmh. Ils traversent la ville. Parfois, ils font des heures de route pour venir vous voir. Et quand ils arrivent, là, ils viennent là. Pourquoi ? Pour passer un bon moment. Cet argent-là, ils ne l'ont pas mis sur plein de choses très, très utiles. L'argent coûte cher. L'expression est bizarre, mais l'argent coûte cher. Cet argent-là, ils ne l'ont pas mis sur autre chose. Ils l'ont mis sur une soirée avec vous. Donc, vous êtes là pour eux. Alors, justement, cette prestation, c'est un hommage à Nina Simone. Alors, pourquoi Nina Simone et pas Billie Holiday ou Ella Fitzgerald, qui, elle aussi, étaient des chanteuses militantes ? Oui, mais les histoires d'amour, elles ne s'expliquent pas. C'est vrai. Les crushs ne s'expliquent pas, sinon ce serait trop facile. Nina Simone, parce que Nina Simone, elle a une place vraiment très particulière dans le jazz. C'est vrai que quand on vous cite les grandes, c'est Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, qui je trouve est assez méconnue en France, qui pour moi est, c'est mon héroïne absolue, Sarah Vaughan, je l'adore absolument, et Nina Simone. Nina Simone qui est plus qu'une artiste, c'est plus qu'une chanteuse. D'ailleurs, en tant que chanteuse, Nina Simone, elle a ça d'absolument fondamental, qu'elle n'a pas une technique de chant incroyable. En revanche, elle a quelque chose d'absolument unique, c'est qu'à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, elle vient vous toucher pile dans votre cœur. Pile, ça ne s'apprend pas, ça. Ça, c'est un truc qu'elle a. Ça n'appartient qu'à elle. Elle met toute sa densité dans chacune des notes qu'elle va sortir de sa bouche. C'est merveilleux. Et elle est d'une absolue rectitude. Elle est dans une fidélité à elle-même. Elle est dans une loyauté à elle-même. Elle est dans une authenticité, Nina Simone. Elle l'a payé cher, hein, d'ailleurs, parce que celle que vous avez citée, que ce soit Ella Fitzgerald, Billie Holiday, pour d'autres raisons. Elle est entrée, sortie de prison, mais principalement pour des problèmes de drogue, etc. Nina Simone, elle a payé très, très cher son engagement au service de la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains. Elle vendait plus de disques, ses disques étaient boycottés, on annulait ses concerts, etc. Elle n'a pas reculé, en fait. C'était pour elle indispensable. La vie n'a de sens que si on défend une cause noble. Et pour elle, c'était cette cause-là qui était la plus noble. Et d'ailleurs, je dois dire que je ne vois pas quelle autre cause est plus noble que celle de la justice et de l'égalité, en fait. Et donc, chanter Nina Simone, c'est chanter une authenticité et c'est chanter un monde meilleur. Bah oui. Tout est dit. Je ne sais que rebondir puisque et tout voilà. est dit. Vous avez adapté vous-même deux chansons, Le vent des rêves et Leçon d'être. Ah, ce n'est pas une adaptation. Je les ai écrits. En fait, ce sont des textes que j'ai écrits. Le vent des rêves, Leçon d'être et Diva. Ce sont trois interludes qui sont sur l'album. D'accord, merci de me corriger. Non, il n'y a pas de problème. Mais c'était pour la raconter, presque pour expliquer le travail qu'on avait fait avec Dominique Fillon. Pour expliquer notre démarche. Quand je dis expliquer, c'est pour nous raconter et faire le lien avec Nina Simone. Et aussi pour contextualiser. Le vent des rêves, par exemple, est une introduction à Mississippi Goddamn. On peut toujours écouter un artiste sans connaître son histoire, sans connaître ses combats. Mais je trouvais intéressant, pertinent, pour moi c'était un plus produit, on va dire, que de raconter le contexte de Mississippi Goddamn, qu'on sache dans quoi est-ce qu'on entrait quand on allait écouter cette chanson-là, ou même quand on écoute Nina Simone chanter un certain nombre de ses chansons, qu'on connaisse le contexte. J'avais à cœur de situer, voilà, de permettre au public et aux auditeurs, aux listeners, je ne sais pas comment on dit en français, non, à tous ceux qui écoutent, d'être parfaitement conscient de la puissance de l'œuvre de Nina Simone. Et pourquoi ces deux-là? Pourquoi Leçon d'être, Le vent des rêves et Diva? Parce que Leçon d'être, c'était vraiment une introduction à l'univers même de Nina Simone, c'est-à-dire de poser à quel point est-ce que son authenticité nous obligeait. Le vent des rêves, parce que ça introduisait Mississippi Goddamn et que ça permettait aussi de poser un contexte politique autour de son travail artistique. Et Diva, parce que ça permettait de parler d'elle plus intimement et notamment d'évoquer sa maladie, puisqu'elle était bipolaire, alors qu'on la disait très souvent caractérielle, difficile, diva. Mmh. Elle était peut-être beaucoup plus bipolaire que diva. Elle souffrait probablement davantage des tourments de sa maladie que des affres du show business. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. Ben non, c'est pour ça que j'avais envie de le raconter. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai écrit ces textes-là. Voilà. Alors, on vous retrouve donc avec cet album de reprise. Et après, est-ce que vous avez envie d'écrire des chansons personnelles? Ah ben, j'en ai plein, des chansons. J'en écris depuis très, très, très, très, très longtemps. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je commence à bosser sur le deuxième album. Et au départ, je me disais, t'as des dizaines de chansons, ça va être hyper simple. Il va suffire de trier et puis t'en exhumes, je sais pas, une douzaine, une quinzaine, et puis c'est parti. Et en fait, je m'aperçois que toutes ces chansons-là ne me ressemblent plus. Ce sont des chansons qui ont, pour certaines, 20 ans, 25 ans, 15 ans, 10 ans. Je ne suis plus du tout la même. Ah. J'ai plus envie de raconter les mêmes histoires. J'ai vécu plein d'autres choses. J'ai versé des larmes inédites. J'ai traversé des bonheurs inédits aussi. J'ai envie de raconter autre chose. Et donc, voilà. Donc là, finalement, ça va être un album de composition beaucoup plus récente que ce que je pensais. Génial, on a hâte. Alors, le passage du studio à la scène, on l'a évoqué. Le travail avec les musiciens a dû être adapté pour la scène et il évolue sûrement au fil des dates. Ah oui, le premier concert qu'on a donné en février 23 au New Morning n'est absolument plus le même concert. Et dans un an, ce sera encore un concert différent. Donc, évidemment, ça évolue tout le temps. Le tout premier concert, j'étais moi-même dans un moment double, c'est-à-dire à la fois de me révéler en tant que chanteuse au public, même si je chante depuis très longtemps, je fais des concerts depuis très longtemps, mais j'en faisais aucune publicité, alors que là, en l'occurrence, ça devenait quelque chose de public, et de révéler, de dévoiler à la fois un album. Aujourd'hui, on a passé tout ça. On a passé les doubles révélations. Donc, ça devient une tournée, un concert qui, en fait, ont déjà beaucoup voyagé. Donc, on s'est nourri aussi de plein d'endroits. On est allé un petit peu partout en France. On est allé aux Antilles. On est allé en Afrique. Voilà, on voyage. Donc, on se nourrit de tout ça et c'est génial. Bon, en tout cas, on voit que ça prend de plus en plus de place dans votre vie. Est-ce que vous allez continuer quand même à poursuivre les deux carrières? Ah oui, aussi longtemps que je le pourrai, vraiment. C'est deux passions, de toute façon. Oui, ce sont deux passions. Et puis le journalisme, moi, c'est mon rapport au monde. C'est la manière dont je comprends, dont je lis, dont j'appréhende le monde. Je ne sais pas le faire autrement. Moi, mon premier article, j'ai écrit quand j'avais 13 ans. Et j'ai jamais arrêté depuis. Donc, si vous voulez, je ne sais pas être autrement que journaliste, autant que je ne sais pas être autrement qu'artiste. Donc, je ne peux pas... c'est comme choisir entre le bras gauche et le bras droit. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, de toute façon, même si ça prend des formes différentes, ce sera permanent. Voilà. Eh bien, merci infiniment, Karine Gyökturam. On vous souhaite une belle et longue carrière musicale, ainsi que la poursuite, justement, de votre belle carrière de journaliste, qui sont vos deux passions. Merci encore. On vous souhaite un très, très beau concert à l'Espace Ligeria, où s'est produit d'ailleurs il y a quelques années la fille de Nina Simone, Lisa. Oui, Lisa Simone, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Merci. J'espère vous voir ce soir, attention. Évidemment. Bon, ok, super, ça va. Très bonne réponse. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. Had a mother who could pray. I had a mother who could pray. But if I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. No. But mine.